记住我限量，许多无法原谅。累了累了，哦啦啦累了，别怕记住我限量，许多无法原谅。Et quand je la vois, je perds le nord. Si seulement t'aurais vu son corps, direction Marbella, elle passe les rapports. Tu sais que pour elle, je l'acte tout mon bif, mais j'oublie pas la mif, non. Sans toi, c'est pas facile. T'es la seule qui me fascine. Elle est belle, elle est bonne. Mais des fois, elle déconne, elle croit que j'ai des folles, elle veut fouiller mon phone. Faudrait que je la raisonne. Oh la ma bella, t'es parti tu m'as gêné là, j'suis dans ma favela. Layla, Layla. Oh la ma bella, t'es parti tu m'as gêné là, j'suis dans ma favela. Layla, Layla. Layla, le mal m'appelle, bébé dis-moi où t'es. Ce soir je dors à l'hôtel, j'suis dans ma bulle, j'fais tout cogiter. À la putain de regard, Layla on a pris du retard. Prends les clés du merc au Benz et loin de moi c'est bâtard. Sans toi j'avance en repère, bébé j'ai le moral en père. Oh la ma bella, t'es parti tu m'as gêné.